The Call. Okay. Start one. Try this. Et toi, tu vas venir chanter, hein? Je ne suis pas top. Non, je ne suis pas top ce matin. Je suis toujours. Je suis toujours au top. Voilà, ça va aller mieux. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas le bon tempo. Ah, c'est mieux là. Okay. Okay. No, it's good. C'est pas toi qui chante, hein? Yeah. Ouais, ça va? Quoi, ça cherche les paroles. Une chanson qui est pas connue. On va faire une chanson qui est pas connue. Ok. Justin Goodrum. Nickel.